Je vous ai fait rire, pleurer et même peut-être trembler. Mais mon plus beau rôle, c'est de vous faire réfléchir. Je suis fragile et parfois j'ai peur de tomber dans l'oubli. Vous me reconnaissez ? Je suis votre cerveau. Je ne le dis pas assez, mais j'ai besoin de vous. Parkinson, Alzheimer, sclérose en plaques, dépression, AVC. Nous avons encore tant à apprendre pour faire progresser la santé du cerveau. Soutenez la recherche et faites un don à l'Institut du cerveau sur institutducerveau-icm.org. La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on trépasse ? La mort ne m'aura pas vivant, disait Jean Cocteau. Certes, mais aussi étrange que cela paraisse, les frontières qui séparent la vie de la mort ne sont pas bien définies. Qui pourrait dire de façon rigoureuse où la première finit et où la seconde commence ? Il est déjà difficile de déterminer précisément, par exemple, le temps que la mort met à nous faire mourir. D'où cette question, les neurosciences contemporaines parviendront-elles à explorer cette transition radicale ? Saurons-nous un jour, grâce à elles, comment notre cerveau vit le fait qu'il est en train de cesser de vivre ? Pour répondre à ces questions que j'imagine délicates, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Charpier. Bonjour. Bonjour Étienne Klein. Vous êtes chercheur en neurosciences, vous êtes professeur à Sorbonne Université et vous dirigez une équipe INSERM à l'Institut du Cerveau et vous avez publié il y a quelque temps un livre intitulé « La science de la résurrection ». J'ai lu ce livre, Stéphane Charpier, et j'ai constaté que vous y parliez très peu de résurrection, mais beaucoup de réanimation. Vous m'accorderez que c'est pas la même chose. Non, c'est loin d'être la même chose. Alors puisque c'est une petite provocation pour commencer, je vais parler du titre lui-même en fait. Alors ce titre lui-même était censé éveiller une curiosité, peut-être même être par lui-même une sorte de provocation épistémologique pour alerter sur le fait que la frontière entre la vie et la mort, que certains considèrent que l'on peut traverser dans les deux côtés, doit être abordée aujourd'hui par la science et en particulier par la physiologie. Alors pour ce qui est de cette frontière qui laisserait passer dans les deux sens et par conséquent qui autoriserait de possibles résurrections, le fait est qu'il n'y a pas d'immigrés du monde de la mort vers le monde des vivants, il n'y a que des émigrés du monde des vivants vers le monde de la mort. Voilà, c'est une précision que je crois utile, puisque le titre m'avait un peu rebuté. J'avais pensé que c'était un argument un peu presque mercantile. Mais il suffisait de lire la quatrième de couverture pour comprendre instantanément que ça n'était pas le cas. Et c'est pourquoi vous êtes là grâce à la quatrième de couverture. Sinon. Alors, faisons un peu de pédagogie, Stéphane Charpier. Dans le cerveau circulent des courants électriques qui sont produits par les synapses, ce qu'on appelle les ondes du cerveau. Est-ce qu'elles sont faciles à les détecter ? On les connaît depuis quand ? Et avec quel genre d'instrument on peut les mesurer ? Alors, beaucoup de questions. On les connaît depuis relativement peu de temps, en fait. Elles ont été découvertes par un jeune médecin de Liverpool. Alors, Liverpool, il n'y a pas que le football et les Beatles. Il y a aussi la découverte de l'électroencéphalogramme. Là, on est au milieu des années 1870. Et un jeune médecin qui avait été alerté par un travail précédent fait par un Allemand qui s'appelait Émile Dubois-Raybon et qui avait découvert ce qu'on appelle le potentiel d'action. C'est une onde électrique qui est déclenchée dans les neurones, dont on va peut-être parler. Il s'était dit, mais s'il y a des phénomènes électriques au niveau des nerfs, parce que c'est là où ça avait été découvert, peut-être y a-t-il des phénomènes électriques dans le cerveau, et peut-être même, et c'est ça l'idée géniale de ce jeune médecin, peut-être même que ces phénomènes électriques dans le cerveau sont en relation avec les fonctions du cerveau. Ça peut nous paraître trivial, ça l'est pas du tout. Donc il a enregistré pour la première fois ce qu'on appelle aujourd'hui un électroencéphalogramme sur des chiens, sur des singes. Et il a vu qu'effectivement, si on met une électrode sur un animal, si je mettais une électrode sur votre cerveau, cher Étienne Klein, je verrais à cet instant des fluctuations de courant électrique qui sont dues au fait que vos synapses dans vos milliers et milliards de neurones fonctionnent. Et ces synapses ont pour effet de créer des tout petits courants électriques qui traversent la membrane des cellules. Et ce phénomène électrique global, on peut l'enregistrer en surface sous la forme d'un électroencéphalogramme. À cet instant, votre électroencéphalogramme montre une activité assez caractéristique, qui est celle que je peux détecter par votre regard, qui est celle de l'éveil conscient attentif. Ce sont des petites ondes rapides et qui existent sur l'ensemble de votre cortex. Mais vous ne sauriez pas pour autant, si vous les mesuriez, à quoi je pense. Bien sûr que non, pas pour l'instant. Alors, c'est des ondes qui existent de jour comme de nuit, qu'on dorme ou qu'on ne dorme pas, j'imagine. Et est-ce qu'elles varient en intensité dans la journée selon l'activité cérébrale qu'on a ? Alors, en fait, ce qui est très intéressant avec ces ondes, c'est qu'elles varient tout le temps. Elles varient tout le temps à l'intérieur de chacun d'entre nous, à l'intérieur de notre cerveau. Elles varient tout le temps. Elles n'est jamais deux fois la même. Et si je pouvais comparer l'ensemble de vos activités électriques cérébrales durant toute votre existence, je ne trouverais jamais deux fois la même activité et aucune de vos activités ressemblerait aux miennes. Donc ça fait tout le temps. C'est une signature. C'est une signature, mais c'est une signature dont on ne connaît pas la spécificité véritablement. C'est-à-dire que même si on voit qu'elles sont caractéristiques d'un instant donné, dans un cerveau donné, on est incapable de déterminer précisément, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à quoi ça correspond véritablement en termes, par exemple, d'expérience subjective. Donc ces activités-là sont tout le temps présentes. Elles fluctuent en amplitude et en forme au cours de la journée et elles indiquent, en fait, ce sont des indicateurs, des marqueurs de notre état de conscience et de notre état de veille ou de sommeil. Ce soir, vous allez vous endormir probablement, enfin sauf si vous sortir faire la fête jusqu'à très tard, vous allez vous endormir et là, vos ondes vont changer de taille, d'amplitude, elles vont changer aussi de fréquence, elles vont se ralentir, devenir plus amples. Et quand elles vont devenir très amples et synchronisées dans les différentes régions de votre cerveau, vous allez vous endormir. C'est-à-dire, physiologiquement, vous allez perdre conscience. Vous êtes un spécialiste, Stéphane Charpier, de l'épilepsie à la base. Alors comment ça se passe, une crise d'épilepsie, du point de vue de ces ondes cérébrales ? Alors, il y a beaucoup d'ondes épileptiques différentes. Mais le profil général, le pattern général d'une activité électrique de type épileptique, c'est une activité qui va être particulièrement intense, c'est-à-dire que beaucoup de neurones, et de manière anormale, vont synchroniser leur activité électrique, et cette activité synchrone, elle va se répéter, elle va devenir oscillatoire. Et en produisant un tel phénomène oscillatoire et aussi puissant au sein de réseaux de neurones, le réseau de neurones en question ne peut plus réaliser ses fonctions qui lui sont propres. Et il va passer dans un mode d'activité qui est celui du mode épileptique. Alors si ces activités épileptiques, que l'on voit très clairement dans un électroencéphalogramme, vont envahir l'ensemble du cortex cérébral, à ce moment-là, vous allez perdre conscience, un peu de la même manière que vous avez perdu conscience quand vous allez vous endormir. Ce qui est drôle, Stéphane Charpier, c'est que votre laboratoire, si j'ai bien compris, est abrité par la pitié salpêtrière. C'est cela. Vous connaissez l'anagramme ? Non, mais je pressens. L'anagramme de la pitié salpêtrière, c'est tout simplement traitera l'épilepsie. Extraordinaire. Je pense que ça va valoriser grandement mon équipe de recherche. Vous leur direz. Alors, comment est-ce qu'on passe justement de cette spécialité, le traitement de l'épilepsie, à la question de ce qui se passe lorsqu'on meurt? J'ai cru comprendre qu'il vous est arrivé ce qu'on pourrait appeler des bricoles en octobre 2008. Oui, j'ai eu des bricoles. J'ai fait ce qu'on appelle, avec un acronyme assez impressionnant. On entend votre voix d'outre-tombe. Ma voix d'outre-tombe, j'imagine, oui. J'ai fait un accident vasculaire cérébral. Voilà. Alors, ça n'a rien d'extraordinaire, ça arrive assez fréquemment. Hein. Le mien, en fait, n'a pas produit des séquelles considérables, mais par contre, il aurait pu être fatal. Donc je me suis retrouvé dans une situation, non pas bloquée entre la vie et la mort, mais dans une situation de proximité physiologique et un peu psychologique aussi, avec un état de mort qui peut-être était en train de s'approcher. Alors je suis resté dans un service de soins intensifs, où j'ai été intensément bien soigné, et puis après je suis passé dans un sas de sortie, où j'ai récupéré progressivement une activité normale. On m'a beaucoup aidé et pendant cette période de transition de mon existence, il s'est passé quelque chose d'assez étonnant, c'est-à-dire que j'ai eu une sorte de fringale littéraire, et en particulier pour l'œuvre de Mary Shelley. Donc j'ai demandé à lire différentes versions du roman de Mary Shelley, je me suis intéressé aux préfaces, aux introductions de ce livre, etc. Et là, il y a eu une sorte de fusion qui s'est réalisée, et là je n'ai aucune idée de la manière dont ça s'est produit, véritablement, très honnêtement, entre ce qui se passe dans le roman de Mary Shelley, ma propre existence, ma propre expérience à cet instant particulier de ma vie, et puis mon métier. mon métier qui consiste, comme vous l'avez dit, à enregistrer et analyser les cerveaux électriques qui sont produits par un cerveau dans différentes conditions. Tout ça s'est mélangé, avec aussi un intérêt extrêmement profond pour l'histoire des sciences et en particulier de ma science, c'est-à-dire l'électrophysiologie, et ça a donné l'audible dont vous avez parlé tout à l'heure. Donc vous êtes d'accord pour dire que cet accident a coupé votre histoire en deux, à la fois votre activité professionnelle et votre biographie. Exactement, très précisément. Alors vous racontez beaucoup d'histoires, non pas de résurrection comme je l'ai dit, mais plutôt de réanimation, notamment celle dont a été victime à cause d'une douche glacée qu'il a reçue dans la face nord, une des faces nord des Dolomites, d'un alpiniste italien qui est resté inanimé pendant une période qui, je crois, est un record mondial. C'est un record dans ce cas-là, c'est-à-dire son cœur s'est arrêté de battre spontanément pendant plusieurs heures. Alors bien sûr, la circulation sanguine a été artificiellement maintenue, mais cet alpiniste s'est retrouvé dans une condition physiologique tout à fait extraordinaire. D'ailleurs, son cerveau, pendant une période donnée, a perdu tout type d'activité. Son activité a disparu pendant une certaine période. Il a pu récupérer très progressivement. Et ce qui est tout à fait extraordinaire dans son cas, c'est que cette longue période où il a pu survivre grâce à un système de circulation artificielle extérieure, eh ben, il a pu récupérer parfaitement et il se porte, d'après ce que je sais, très bien aujourd'hui. Mais est-ce qu'il a un souvenir de cette phase ? Il n'a pas de souvenir de la phase durant laquelle où il a été plongé dans un coma, je dirais, un coma extrêmement profond, qui est un coma qui était dû à deux choses, c'est-à-dire d'abord au fait que son cœur s'était arrêté de battre. Là, à partir de ce moment-là, au bout de quelques secondes, on perd conscience. Et aussi par le fait que pendant la période de récupération, eh ben, il était contraint à être maintenu de manière artificielle dans un coma. Donc cette phase-là, à proprement parler, il n'en a pas souvenir. Mais qu'est-ce que c'est qu'un coma du point de vue de l'activité cérébrale? À quoi est-ce qu'on le repère? Et comment est-ce qu'on mesure ce que vous appelez sa profondeur? Puisqu'on parle d'un coma plus ou moins profond. C'est cela. Donc il a une profondeur. Comment est-ce qu'on la mesure? Alors un coma, déjà, c'est une altération de l'état de conscience. Qui peut être différent, qui peut être extrêmement variable. Alors, ça va d'un état de confusion mentale, de difficulté à saisir ce qui se passe à l'instant. Par exemple, une difficulté à se souvenir de son nom, à se souvenir de la date, etc. Et puis ça peut progresser vers des états de coma extrêmement profonds, où là, la personne est plongée dans une situation où elle est totalement aréactive, elle ne répond à aucune stimulation, elle ne montre, elle n'exprime d'un point de vue clinique et aussi dans son électroencéphalogramme, aucune activité. Et là, à partir de là, on est dans un coma qui, d'un point de vue technique, on appelle un coma iso-électrique, c'est là, je dirais, le coma le plus profond, durant lequel toutes les activités cérébrales endogènes se sont arrêtées. Alors que ce soit l'activité des synapses, ou que ce soit l'activité électrique des neurones individuels, tout s'est stoppé. Et ça, on le voit de manière un peu dramatique quand on fait un électroencéphalogramme, parce que ça se représente sous la forme d'un tracé électrique totalement plat. Et ça, c'est la forme de coma le plus profond. Donc oui. Ça va de la confusion mentale jusqu'à cet état de coma extrêmement profond où le cerveau ne répond plus à rien. Qu'est-ce qui le distingue, cet état de la mort ? Alors, cet état de coma isoélectrique n'est pas la mort parce qu'il ne répond pas aux critères de la mort. Le critère de la mort, il y a des critères qui sont d'ordre médical et même d'ordre juridique. Alors le critère de la mort, en l'occurrence, qui pourrait être confondu avec ce type de coma, c'est ce qu'on appelle la mort cérébrale. Mais pour être en état de mort cérébrale, il ne suffit pas d'avoir un tracé électroencéphalogramme plat. Il faut répondre à un ensemble de signes cliniques qui sont des signes cliniques extrêmement alarmants. On y reviendra, mais oui. Comment est-ce que les gens qui se sont occupés de cet alpiniste ont persisté à tenter de le réanimer alors même que, en apparence, il semblait mort? Ils croyaient en quoi? Il ne semblait pas mort, en fait, il n'avait pas les signes cliniques de la mort. Alors, peut-être on en parle plus tard, mais là l'idée quand même, c'est peut-être d'en parler un tout petit peu maintenant, c'est-à-dire que finalement, quand on est mort d'un point de vue cérébral, il y a un phénomène qui se produit, qui est un phénomène qui est toujours présent, c'est le fait d'être incapacité de respirer spontanément. Ça, c'est la première chose. Il faut effectivement que le tracé de l'électroencéphalogramme soit plat. Et il faut aussi qu'une structure qui se trouve à la base du cerveau, on appelle le tronc cérébral, ne puisse plus fonctionner. Et cette structure, voilà, en profondeur du cerveau, c'est celle qui vous permet à la fois de respirer spontanément, mais c'est aussi celle qui va réguler vos états de conscience, vos états de vigilance, etc. Et dans l'état de mort cérébrale, eh ben, cette structure ne fonctionne plus. En général, le cerveau n'est plus perfusé avec du sang oxygéné. Vous ne pouvez plus respirer spontanément. Et si on démontre que cette situation qui perdure, durant laquelle d'ailleurs vous êtes profondément inconscient, c'est la phase ultime en fait du coma, c'est le coma le plus profond, où l'inconscience est la plus profonde, à ce moment-là, si on peut déterminer que cette situation est irréversible, vous allez déclarer être mort, mais j'insiste là-dessus, c'est très important, parce qu'il y a des confusions, j'entends des choses un peu contradictoires à la radio et à la télévision, votre cœur continue de battre. Donc on a inventé avec la mort cérébrale une créature, enfin le mot créature n'est pas péjoratif, une nouvelle créature qui est un cadavre au cœur battant. Mais qui est mort. Il est déclaré mort parce que c'est le critère qu'on a retenu pour définir la mort. Parce que c'est un critère qui date de 1968, mais qui a été découvert en France, je dirais, ou inventé en France en 1968. Et donc vous dites qu'il souffre de certaines ambiguïtés sur lesquelles on reviendra, mais vous l'avez dit, Stéphane Charpie, après votre AVC, vous avez été pris d'une boulimie de lecture, vous êtes intéressé à l'histoire de votre discipline, la neurophysiologie, et vous parlez dans cet ouvrage « La science de la résurrection », avec amour presque, d'une femme qui s'appelle... Anne Green. Extraordinaire, Anne Green. Qui a été pendue qui n'en est pas morte. Elle a été pendue, mais elle a été ratée. Alors déjà, c'est une pendaison ratée. Pendaison ratée, c'est-à-dire en fait, elle a été étranglée, véritablement, par des brutes, et après un procès inique, durant laquelle elle a été déclarée responsable d'un avortement volontaire, alors que c'était visiblement pas le cas. C'est une fausse couche. Probablement une fausse couche. Donc, à cette époque, c'était condamné. C'était 1650 à peu près. C'est ça, exactement. C'était pendant la période de la guerre civile en Angleterre, me semble-t-il. Et Anne Green a été, on l'a pendue, on l'a même aidée même à mourir plus vite en s'accrochant à ses pieds et en pesant de tout son poids pour que l'étranglement se fasse le plus vite possible, ce qui a totalement loupé. Et puis elle s'est retrouvée, son cadavre s'est retrouvé chez un très très jeune neurophysiologiste et neuroanatomiste qui s'appelle Thomas Willis. Dont on va parler aussi, j'imagine. Et Thomas Willis, en fait, il voulait réaliser une séance d'anatomie avec son cadavre. Mais elle a montré des signes de vie, sa cage thoracique montrait qu'elle respirait un tout petit peu. Et là, il s'est lancé dans... Il y avait des râles aussi, il a pu entendre des râles. Pardon. Il a pu entendre des râles. Il a pu entendre des râles au bout d'un moment. C'est-à-dire, elle a progressivement récupéré toute seule. Et après, ils l'ont aidé avec son collègue médecin. Ils l'ont aidé à récupérer. Et c'est, de mon point de vue, la première réanimation réussie. Première réanimation scientifique. Mais c'était considéré plutôt comme un miracle, non? Ça a été considéré comme un miracle. Et d'ailleurs, du coup, elle a été graciée à cause de ça, parce qu'on a cru que c'était un miracle. Alors, on ne sait pas trop ce qui lui est arrivé après à cette pauvre Anne Green. Tout ce qu'on sait, c'est que Thomas Willis lui a offert comme cadeau son cercueil. Alors, elle a quitté la maison de Thomas Willis en étant ressuscitée avec son cercueil sous le bras. Alors, Thomas Willis, c'est un jeune homme à l'époque qui a eu un destin assez extraordinaire. Il a inventé plein de choses. Il y a même une partie de notre cerveau qui porte son nom. Oui, c'est le polygone de Willis. C'est une sorte d'embranchement d'artère qui se trouve à la base du cerveau et qui permet à notre cerveau d'être irrigué à chaque instant par du sang oxygéné. Voilà. Donc, ce sont des artères cérébrales qui ont la forme d'un polygone, comme son nom l'indique, cette figure géométrique, et qui permet d'arroser, d'irriguer notre cerveau et de le faire fonctionner correctement. Donc Thomas Willis est à la neurophysiologie, ce que Newton est à la physique un peu? C'est le père? Moi je dirais, si on parle de la neurophysiologie et si on parle de Newton, je préférerais parler de Galvani. Je pense que Galvani, c'est véritablement celui qui a posé les briques de la neurophysiologie moderne. Alors, je voulais qu'on parle de Galvani. Avant de parler de Galvani, je voulais qu'on parle de Descartes. À qui vous réglez son compte à propos de son invention des esprits animaux, qui est une thèse qui a eu son heure de gloire avant d'être réfutée, notamment par Galvani. Alors, d'abord, ça n'est pas Descartes qui a inventé les esprits animaux. C'est un concept assez ancien qui date de l'Antiquité, mais Descartes on a fait en fait un moteur scientifique tout à fait extraordinaire. Enfin, il a élaboré une théorie, une mécanique neurophysiologique qui est donc s'inspirée de l'Antiquité et de ces esprits animaux. Ce sont une sorte de particules extrêmement fines comme ça qui vont être fabriquées au cours de la digestion et puis après qui vont remplir. Et c'est ça la théorie géniale de Descartes, parce que ça marche très bien quand on la décrit comme ça, surtout à l'époque. Hein. Et ben ces esprits animaux, ce gaz subtil va pénétrer d'après lui les nerfs qui sont des tubes creux. Et ces esprits animaux vont pouvoir se déplacer dans les nerfs. Alors, pour que le système fonctionne correctement, n'oublions pas que Descartes est quelqu'un qui croit profondément en Dieu, qui est l'un des fondateurs du dualisme moderne, je dirais, du dualisme scientifique. Donc, il essaie de trouver une mécanique qui puisse mettre en contact le cerveau et le fonctionnement de l'organisme avec l'âme. Et là, il trouve une structure centrale dans le cerveau, la glande pinéale. C'est une structure unique et centrale. Il dit, c'est central, c'est bien parce que l'âme est centrale aussi et unique. Et cette glande pinéale va agir sous l'influence de l'âme et déplacer les esprits animaux dans ces tubes creux et déterminer nos comportements les plus appropriés. Donc ils animent notre corps qui est considéré comme une machine. Exactement, exactement. Alors en quoi cette thèse se trompe? Et comment est-ce qu'on l'a su? Ça, on l'a su et avec ce que je considère comme étant l'une des plus belles expériences de la physiologie, enfin de la neurophysiologie en tout cas. Alors ça vient d'un jeune naturaliste hollandais qui s'appelait Jan Swammerdam. Et Swammerdam, il a fait ce qu'on appellerait aujourd'hui un post-doc. C'est-à-dire qu'il est parti en Europe, il est venu en France pour améliorer sa technique de dissection. Et en France, il s'est lancé dans une série d'expériences tout à fait extraordinaires qui ont fini par démontrer en fait que les esprits animaux de Descartes n'existaient pas. Alors, je sais pas si je peux décrire, ça va être un peu compliqué, mais je vais te décrire une des expériences de Swammerdam. Donc, il va retirer d'une grenouille un muscle et le nerf qui lui est connecté. Il va mettre ce nerf et ce muscle dans une enceinte. Et puis, dans cette enceinte, il va réaliser un petit prolongement, un tube en verre, dans lequel il va déposer à l'intérieur du tube une toute petite goutte de liquide. Donc, Swammerdam se trouve avec une préparation qu'on appelle nerf-muscle isolé. Donc, il est capable, il est en mesure de stimuler le nerf. Il stimule le nerf. Le muscle se contracte dans l'enceinte. Et en se contractant, si les esprits animaux existaient, ils auraient dû être propulsés du nerf vers le muscle par la stimulation que Swammerdam appliquait. Ils auraient dû faire gonfler le muscle et la petite goutte de liquide aurait dû se déplacer vers le haut. La petite goutte de liquide n'a pas bougé. Les esprits animaux n'existent pas. Point. Mais c'est quoi cette manie qu'ont les neurologues de décapiter des grenouilles? Oui, ça c'est une manie qui... Stéphane Charpier. C'est une manie qui... Je pense que les grenouilles ont vraiment donné beaucoup. Elles ont donné beaucoup pour la neurophysiologie. Mais... Il y a eu des carnages de grenouilles, ça a beaucoup diminué maintenant. Mais votre livre, il est parcouru d'hécatombe. Notamment à cause de ce monsieur Swammerdam. Swammerdam, c'est pas le pire. Je pense que Galvani et ses descendants ont fait beaucoup plus de carnage de grenouilles que Swammerdam. Mais Swammerdam en a fait beaucoup aussi. En fait, c'était un moyen extrêmement pratique pour faire des expériences. C'est-à-dire, d'abord, les grenouilles, on peut en avoir beaucoup. À l'époque, notamment. On peut en avoir beaucoup. La dissection est relativement aisée. Et puis, on peut faire un truc qui est quand même d'extrêmement important, c'est qu'on peut continuer à faire vivre, entre guillemets, enfin, de garder les tissus de la grenouille vivant pendant très longtemps. Alors, on peut faire des préparations, on appelle ça une préparation en physiologie, où on peut isoler, en l'occurrence, un nerf et un muscle qui lui est connecté, et à partir de là, on a une préparation extraordinaire durant laquelle on peut faire des stimulations, faire des enregistrements, on peut mesurer des choses. Donc, c'est extrêmement pratique quand on veut tester directement la relation qui existe de cause à effet entre l'activation d'un nerf et la contraction d'un muscle. Donc les grenouilles ont pris très cher, j'allais dire, mais c'est un peu trivial, excusez-moi. vous parliez de Galvani tout à l'heure, en montrant qu'il avait joué un rôle décisif, mais j'ai l'impression que la découverte la plus importante qu'il a faite, à savoir qu'on peut animer un corps qui est mort grâce à de l'électricité, c'est une découverte qui relève de la sérendipité, c'est-à-dire il y a une sorte de hasard heureux qui a permis que la découverte soit faite. Par l'entremise de son épouse, je crois, ou de... Son épouse, visiblement, c'est pas très clair, mais c'est visiblement son épouse, et c'est un phénomène tout à fait étonnant. J'ai jamais essayé de le reproduire, je sais pas si ça peut fonctionner en vrai, mais en tous les cas, la manière dont Gary le raconte, c'est un phénomène de sérendipité. Donc ils étaient en train de préparer, de faire cette préparation nerf-muscle de grenouille, et Madame Galvani aurait déposé, sans faire attention, un scalpel en métal sur le nerf en question. Et à côté, sur la paillasse, quelqu'un a tiré une étincelle électrique à partir d'une machine électrostatique. Une sorte de coïncidence temporelle. Une coïncidence temporelle tout à fait extraordinaire qui fait qu'au moment où ils ont déclenché cette étincelle électrique, le scalpel en métal se trouvait positionné sur le nerf. L'électrostatique a fait le boulot et ça a déclenché une activation du nerf et par conséquent la contraction du muscle. Et là, Galvani a eu quand même... Parce qu'il ne suffit pas simplement d'avoir... la bonne chance d'avoir cette expérience qui serait... Il faut avoir l'esprit préparé. Il faut avoir l'esprit extrêmement bien préparé. Et là, c'est Eureka. Et il comprend, et ça, c'est vraiment le truc génial de Galvani, il comprend qu'il y a une relation de cause à effet entre l'étincelle qui a été tirée, la contraction du muscle, mais pas que, et aussi le fait que c'est probablement le nerf qui est responsable de la contraction du muscle via une stimulation électrique atmosphérique. Mais on citait Newton tout à l'heure, Stéphane Charpier, il a joué un rôle aussi. Lui aussi avait prédit l'idée que il existerait un fluide électrique circulant et vibrant, je le cite, dans les nerfs, permettant aux sensations d'être excitées et aux membres des corps animaux de se déplacer au commandement de la volonté. C'est absolument incroyable. C'est Newton, on parle bien de Newton. C'est Newton. Et c'est tout à fait incroyable parce que c'est vraiment le premier, à ma connaissance, c'est le premier. J'ai cherché des traces d'une telle théorie électrique. Je crois que le premier, c'est Newton. Dans les Principia, que vous connaissez probablement mieux que moi, il s'arrête de raconter ce qu'il raconte sur la gravitation, j'imagine, et puis il raconte ça. C'est incroyable. Ce sont des pages de votre livre que j'ai trouvées lumineuses, Stéphane Charpier. Notamment, j'aimerais que vous nous expliquiez comment, avec une grenouille décapitée, on peut suivre le déplacement d'un orage. Oui, alors ça c'est une expérience tout à fait extraordinaire, mais qui est aussi réelle. Alors voilà, donc si on réalise un petit circuit électrique entre une grenouille décapitée et puis un fil de métal qui va être tiré entre une maison par exemple et un poteau planté dans le sol, ok, on va avoir une grenouille qui va être connectée à la terre et qui va être connectée aussi à l'électricité atmosphérique. Donc on a cette grenouille qui est là et puis l'orage arrive, donc un éclair. Donc l'éclair va provoquer un passage de courant électrique à travers ce qui a connecté la grenouille au fil électrique. Donc la grenouille va se contracter ici. Et puis après, on va attendre le prochain éclair. Et puis on va pouvoir voir comme ça. On peut calculer si l'orage s'éloigne ou s'il se rapproche en mesurant les délais de contraction des pattes de la grenouille en fonction des éclairs qui sont en train de se produire. Donc on peut voir s'il s'approche, s'il s'éloigne et à quelle vitesse il le fait quasiment. Exactement. Alors, Galvani, il avait un neveu, je crois, qui s'appelait Giovanni Aldini, qui lui a encore plus décapité que tous les autres, je crois. Lui a surtout, non pas décapité des êtres humains, mais il a utilisé des êtres humains décapités. Oui, des suppliciés. Donc Galvani, en fait, a beaucoup aidé. En fait, il aimait beaucoup son oncle et sa tante. Et il a beaucoup aidé Galvani quand Galvani... a commencé à, non pas à se fâcher, mais à avoir une véritable querelle scientifique avec Volta. Et ils ont cherché tous les deux un moyen de démontrer non seulement qu'on pouvait activer un muscle en faisant une stimulation électrique d'un nerf, mais que le phénomène par lui-même qui était responsable de la contraction musculaire et de l'activation du nerf était par lui-même un phénomène électrique. Donc ils ont tenté de montrer, ils ont réussi d'ailleurs très très bien de démontrer que l'on pouvait obtenir les mêmes résultats que ceux qui étaient obtenus par des stimulations électriques. On pouvait aussi les obtenir sans stimulation électrique, mais en faisant des sortes de montages entre les nerfs et les muscles. Ça, c'est la première chose. Donc en fait, ils ont pu démontrer comme ça, ils ont résolu un véritable débat scientifique au tout début, enfin à la fin du XVIIIe siècle. Et ils ont pu comme ça... démontrer, en tous les cas, avancer l'hypothèse plus solidement que les phénomènes qui conduisent à l'activation des nerfs et aux contractions des muscles étaient des phénomènes électriques. Alors évidemment, disons que Aldini, lui, a continué après la mort de son oncle. Et là, il s'est lancé dans une série d'expériences dans lesquelles il a voulu tester si le galvani, cette nouvelle science inventée par son oncle et qui permettait de mettre en mouvement des cadavres, notamment de grenouilles, mais pas que, par des stimulations électriques, si on pouvait faire ça aussi à partir de cadavres humains. Et ça, il s'est lancé dans une série d'expériences absolument épouvantables, notamment une très célèbre qui a eu lieu à Londres en 1802, où là, il a pu obtenir le corps d'un supplicié qui, lui, n'avait pas été décapité, contrairement aux Monsieur autres. Monsieur Foster. Monsieur Georges Foster, qui avait été accusé d'avoir tué sa femme et sa fille. Donc, il a réalisé une sorte de démonstration publique dans un théâtre de Londres en 1802. Donc, le cadavre a été apporté à Giovanni Aldini. Et là, Giovanni Aldini avait un très grand nombre de systèmes de stimulation électrique. À l'époque, Volta avait inventé la pile électrique, donc il pouvait délivrer des courants électriques beaucoup plus forts. Et à partir de là, il s'est mis à stimuler ce cadavre devant tout le monde, devant une assemblée de la haute société anglaise qui était venue assister à cette démonstration. Alors, il a stimulé en mettant des électrodes sur le visage, donc le cadavre faisait des grimaces épouvantables. Et puis, il a fini par faire la chose la plus terrible, je peux me permettre d'être un peu grossier, Donc, il a enfoncé une de ses électrodes dans l'anus du cadavre, il a mis l'autre électrode dans son oreille, il a déclenché un courant électrique d'une forte intensité. Donc, par conséquent, si on connaît le trajectoire qui existe entre une oreille et un anus, on peut imaginer que le courant électrique a parcouru l'ensemble du corps et le cadavre s'est relevé. Mais il s'est relevé véritablement. Il s'est assis et il a fait une grimace épouvantable. Et moi, dans l'assistance, des femmes se trouvent mal. Il y a quelqu'un qui meurt, d'ailleurs, de crise cardiaque. Et il y a un médecin on pensait qu'il aurait pu être... qu'il aurait pu résister à cette émotion, il est rentré chez lui et il est mort la nuit d'une crise cardiaque à cause de ce qu'il avait vu. Mais en l'occurrence, il ne s'agit ni d'une résurrection, ni d'une réanimation, non, mais d'une activation électrique d'un corps mort. Exactement. Et c'est ça qu'on appelle une résurrection galvanique ? Non, ça s'appelle pas une résurrection. Alors, dans votre livre, l'expression est figurante. Page 91. L'expression figure, mais c'est une expression qui est destinée à expliquer ce qu'on a ressenti quand on a vu ce qui s'est passé. Mais Aldini lui-même n'était pas dupe. D'ailleurs, il écrit parce qu'il a écrit un petit article après cette expérience. Et dans cet article-là, il ne laisse planer aucune ambiguïté. Il explique que le George Foster n'a pas, il n'y a pas eu de résurrection de George Foster, mais il y a eu une réanimation apparente qui était provoquée par l'activation artificielle des muscles de George Foster, qui, lui, est resté définitivement mort. Et si on avait fait cette expérience très longtemps après sa mort, est-ce que les signaux auraient été les mêmes ? Ou est-ce que ça réclame que le cadavre, si j'ose dire, soit encore frais ? Bien sûr, au bout d'un certain temps, les nerfs et les tissus musculaires perdent leur capacité à réagir à des stimulations. Et à partir de là, on ne va plus obtenir de réponse quand on fait des stimulations électriques. Bon alors, quand est-ce qu'on est mort, Stéphane Charpier ? Quand le médecin dit qu'on est mort ? C'est ça, exactement. Et qu'est-ce qu'on appelle, c'est un mot que j'ai appris en vous lisant, la taphophobie ? C'est la peur d'être enterré vivant. C'est une peur fréquente ? C'est une peur qui existe toujours, mais qui est moins fréquente. Qui est moins fréquente, notamment dû au fait que, bien évidemment, aujourd'hui, les diagnostics de mort sont beaucoup plus fiables que ce qu'ils étaient avant. Vous voulez dire qu'on a moins de chances aujourd'hui d'être enterré vivant qu'avant ? Je pense que, je veux dire quelque chose vraiment pour rassurer nos auditeurs, aujourd'hui, en France, on a vraiment très peu de chances d'être enterré vivant. Et pourtant, les frontières de la vie et de la mort, comme vous le dites vous-même, ne sont pas très claires. Alors les frontières, on peut discuter de la frontière, des frontières, mais ça n'est pas parce qu'une frontière n'est pas claire que le fait d'être mort n'est pas clair par lui-même. Ce qui est compliqué entre la vie et la mort, c'est pas la désignation de l'état vivant ou de l'état mort. C'est le fait de pouvoir déterminer une frontière. C'est-à-dire, avec le mot frontière est un peu malpropre, enfin pas malpropre, mais c'est pas le meilleur terme pour ça. Le terme frontière laisserait supposer qu'il existe une sorte de pointillé ou même de frontière naturelle physiologique qui soit bien déterminée et qui sépare de manière radicale les deux états. Ou ça peut être simplement une zone qui, si on la franchit, mène de façon irréversible à ce qu'on appelle la mort. Ou alors, si c'est ça, cette frontière en question, elle n'est pas déterminée. Elle n'est pas, pour l'instant, on n'a aucun signe qui permet de détecter l'existence d'une telle frontière. Pour l'instant. Mais vous dites pourtant, Stéphane Charpillier, qu'il y a plusieurs définitions de la mort, il y en a au moins deux, et que, et la question que j'avais envie de vous poser, c'est est-ce qu'on peut ne mourir que du cerveau ? Mais bien sûr. Ça, c'est ce qu'on appelle la mort cérébrale. Il faut bien comprendre que, en fait, il faut connaître un peu l'histoire de cette mort cérébrale. En fait, la mort cérébrale n'est pas une découverte. C'est un choix qui nous a été imposé grâce au développement des soins intensifs. Il faut imaginer, on est dans les années 1950 et on commence à développer en France les services de soins intensifs et notamment l'utilisation de systèmes de respiration artificielle. À partir de là, on peut pratiquer des soins sur des personnes qu'on ne pouvait pas réaliser avant. Et en 1959, deux médecins français, Mollaré et Goulon, vont publier un article qui fait sensation et qui vont appeler le coma dépassé. D'ailleurs, le coma dépassé, c'est la première formulation véritablement de la mort cérébrale, dans lequel ils décrivent un ensemble de patients dans un état très inquiétant et tout à fait nouveau, puisque ces patients ont un cerveau qui est manifestement détruit. Ce sont des patients qui sont dans un coma extrêmement profond et vraisemblablement aussi irréversible. Leur électrocéphalogramme est plat, mais étant donné qu'ils sont sous respiration artificielle, grâce à cette nouvelle instrumentation médicale, leur cœur continue de battre. Et là, Mollaré et Goulon comprennent qu'il y a un problème. Il y a un problème parce que pour la première fois, je dirais, depuis le début de l'histoire de l'humanité et de la médecine, on est capable de créer une sorte de dissonance entre le fait qu'une personne peut être considérée comme vivante parce que son cœur bat et le fait que plus jamais elle ne sera consciente. Mais c'est un état qui est rendu possible grâce à la technique. Uniquement. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut rapprocher de ce que les physiciens appellent le chat de Schrödinger, qui est un état quantique superposé, alors, où le chat est décrit comme ayant un état qui est à la fois vivant plus mort? Alors, si je me réfère au livre que j'ai lu d'Étienne Klein sur le sujet en question, ça n'est pas vraiment le cas, puisque on n'a pas un état de superposition. On a un état de confusion. On a un état de confusion parce que la mort, symboliquement, et ça c'est encore extrêmement ancré dans les sociétés, y compris les sociétés occidentales, dans lesquelles la mort cérébrale est parfaitement acceptée, il y a un état de confusion sur le fait que tant que le cœur bat, on est vivant. D'ailleurs, très récemment, il y avait je sais pas si vous vous souvenez de cette histoire de cet adolescent qui avait été victime d'un accident, avait été renversé par une voiture de police, je crois. On avait dit qu'il était en mort cérébrale. En mort cérébrale. Et puis, j'avais écouté donc la radio, et j'avais appris plusieurs jours après que ce jeune garçon qui était en état de mort cérébrale était mort aujourd'hui. Ah non, il était mort le jour où il a été déclaré en état de mort cérébrale. Et tout ça pourquoi? Ben, parce que pendant toute cette période-là, cette période de latence un peu étrange, cette zone grise durant laquelle ce garçon était placé malgré lui, son cœur continuait de battre. Et symboliquement, quand le cœur bat, on est toujours vivant, alors que ce n'est pas le cas. Et vous parlez d'ailleurs à ce propos de ce que vous appelez les chausse-trappes de la mort cérébrale. Ça veut dire qu'elle n'est pas toujours bien diagnostiquée ni bien interprétée? Il ne faudrait pas inquiéter pour rien. Elle est toujours très bien diagnostiquée, mais il peut y avoir quelques signes qui peuvent être trompeurs. Certaines drogues, par exemple, peuvent donner des apparences de mort cérébrale. Alors, il faut bien faire attention parce que si on pratique correctement le diagnostic de mort cérébrale, on va éliminer tous les signes confondants qui pourraient nous faire croire que le patient est en état de mort cérébrale alors qu'il ne l'est pas. Certaines molécules, le fait d'avoir une température interne qui descend très très bas, peut donner des signes apparents de mort cérébrale. Mais ça n'est... Donc il faut vérifier que tous les signes qui peuvent être trompeurs n'existent pas. À partir de là, les signes de la mort cérébrale que je les ai présentés tout à l'heure, qui sont ceux quasiment de Mollaré et Goulon de 1959, c'est un arrêt de fonctionnement du tronc cérébral, un électroencéphalogramme plat, une incapacité de respirer spontanément, et puis cette... Mais qu'est-ce que vous dites à tous ceux qui lancent des débats à propos de personnes qui sont dans cet état-là et qui proposent de débrancher la machine, ou au contraire de la maintenir tant que quoi d'ailleurs? Alors, qu'est-ce qui peut advenir? Chez un patient en état de mort cérébrale, pour la suite de son existence en tant que personne consciente, il ne peut rien advenir. Si le diagnostic est bien fait, et il est en général bien fait, il n'y a pas d'avenir au sens existentiel pour cette personne. D'ailleurs, ce n'est plus une personne, il faut la considérer, c'est un peu horrible, mais il faut la considérer comme étant un cadavre, véritablement. Mais le problème avec, ça fait partie de ce que Mollard et Goulon a appelé le prix à payer. Il va falloir payer le prix du fait que le cœur continue de battre, donc à alimenter des organes dans un corps qui ne sera plus jamais conscient. Donc on a quelqu'un dont la personne humaine a été totalement dissolue par l'arrêt définitif des fonctions du cerveau, mais le corps, continue de fonctionner. Alors si le corps continue, une femme enceinte peut amener éventuellement une grossesse à terme. Mais ça existe des femmes qui sont en état de mort cérébrale qui accouchent. Bien sûr, ça existe, oui, bien sûr. Il y en a, et il y en a de plus en plus. Mais là, les questions éthiques se posent. Et là, ça crée un énorme trouble au niveau de la société, mais pas seulement, au niveau, par exemple, de toutes les personnes qui s'occupent de ces femmes dans les services hospitaliers. Alors, on les considère souvent comme des incubateurs cadavériques, enfin, cette terminologie atroce, mais qui laisse supposer que la vie peut véritablement naître de la mort, d'un cadavre, en tous les cas. Et ça va à l'encontre autour de cette représentation symbolique que l'on a de la vie qui ne peut que produire de la vie. Et qu'est-ce qu'on appelle un état végétatif ? Est-ce que c'est cet état de mort cérébrale ou c'est... Ça n'a rien à voir. Mais pourtant, on les confond souvent. J'ai lu des articles qui les considèrent même comme synonymes. Oui, je sais. Et il y a eu une enquête, même aux États-Unis, qui montre qu'un grand nombre de médecins américains croient que l'état végétatif permanent est un état de mort cérébrale. L'état végétatif permanent, ça n'est pas du tout la même chose. Ce sont des personnes qui ont subi d'importantes et souvent des lésions très graves au niveau du cortex cérébral et d'une région profonde du cerveau qu'on appelle le thalamus. C'est une région qui relaie les informations sensorielles vers le cortex cérébral et qui est aussi responsable de nos états de vigilance. Et ces personnes-là, en fait, ils peuvent respirer spontanément. Leur tronc cérébral continue de fonctionner. Ils peuvent être éveillés au sens neurophysiologique ou dormir au sens neurophysiologique. Donc, pas besoin de machine. Pas besoin de machine. Ils respirent spontanément. Mais ces personnes-là, par contre, ne sont pas conscientes au sens plein. Ce qui est à dire, c'est la conscience telle que l'on est en train de la vivre en ce moment. Ils sont incapables d'interagir avec leur environnement ou d'avoir, a priori, avoir aucune expérience interne. Alors vous citez Stéphane Charpier dans en exergue d'un chapitre, le chapitre 8 de votre livre qui s'intitule « Les expériences de mort imminente ». On va en parler. Vous citez Murakami qui dit « Seuls les morts connaissent la mort, les vivants en ignorent tout, ils ne font qu'imaginer ». Je tique un peu sur la première phrase. Seuls les morts connaissent la mort. Est-ce qu'on peut être le sujet du verbe « connaître » quand on est mort ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Puisque... Pourquoi vous avez mis cette phrase en exergue alors ? Parce que sur le fait que l'on prétend que nous vivons... En fait, c'était pas tellement pour le début, c'était surtout pour la fin. Pour la fin, il ne faut qu'imaginer. Voilà, il ne faut qu'imaginer. En fait, on peut imaginer nous vivants... Enfin non, on peut même pas imaginer, parce que rien que le fait d'imaginer un néant existentiel qui est celui de la mort vis-à-vis de soi-même va annuler le néant en question. Donc on peut imaginer, à la limite, pour l'autre, ce qu'est la mort, c'est-à-dire avec ce que l'on peut décrire d'un point de vue émotionnel ou même d'un point de vue objectif par les outils de la science et de la médecine, on peut avoir une description d'un état de mort d'autrui, mais il est bien évidemment que cette expérience, cette introspection que l'on pourrait avoir de nous-mêmes vis-à-vis de notre propre mort n'a absolument aucun sens. Est-ce que les expériences de mort imminente, comme on les appelle, qui sont des expériences dans lesquelles ou au cours desquelles on n'est pas mort puisqu'on revient de cet état, ça veut dire que on n'a pas vraiment connu la mort, mais est-ce qu'à votre avis, elle nous informe sur ce qui nous attend ? Comme on le lit beaucoup, au contraire, est-ce que... Parce qu'on considère souvent la mort comme un état asymptotique, c'est-à-dire on s'en approche, mais peut-être que c'est une transition radicale. Ça n'est pas une transition radicale. Je pense que la neurophysiologie, ce qu'on a fait dans le laboratoire et ce qu'ont fait d'autres collègues d'ailleurs, montre que ça n'est pas une transition radicale. Ça n'est pas un événement. Mourir n'est pas un événement. Ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est clair. Tout le monde considère que... Ça prend du temps. Mourir prend du temps. La question qui se pose par rapport à ça, c'est la question de l'instant à partir duquel il n'y a plus de plan B, à partir duquel on ne peut pas revenir. C'est cette frontière, mais ce n'est pas une frontière du coup. C'est un point de bifurcation qui n'a pas été encore déterminé, à partir duquel, en se basant sur des considérations qui sont strictement physiologiques, des considérations objectives, on pourrait dire là, à ce moment-là, il n'y a plus possibilité de retour et on va basculer vers un état de mort. Alors Stéphane Charpier, parlons de vos travaux sur cette question. Dans votre livre, vous évoquez ce que vous appelez l'onde de la mort, qui est un terme assez mystérieux, même si son anagramme est dodo maternel. Non, ça rend la chose peut-être plus sympathique quand on l'appelle comme ça. Mais comment est-ce qu'on la mesure? Comment est-ce qu'on la détecte? Comment est-ce que vous-même vous l'avez découverte? Est-ce que c'est de la sérendipité ou est-ce que c'était une quête que vous aviez depuis longtemps? Et avec quel genre d'instrument on détecte ce moment, ce processus, disons, au-delà duquel aucun retour en arrière n'est possible? Alors, l'onde de la mort, c'est pas nous qui l'avons découvert, et un retour est possible après. Alors pourquoi elle s'appelle l'onde de la mort? Alors, en fait, elle s'appelle l'onde de la mort parce qu'en fait, ce sont des collègues hollandais qui, en fait, voulaient déterminer si la décapitation était un moyen humain de sacrifier des animaux. Bon, bizarre comme question, mais très importante d'un point de vue éthique quand on fait de la recherche. Donc ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de sacrifier des animaux en les décapitant et enregistrer en même temps l'activité électrique de leur cerveau. L'idée étant de voir à partir de quel moment après la décapitation les ondes de la conscience disparaissent. D'accord ? Et si ça disparaît très vite, c'est bon, on a une bonne technique là, pour supprimer des animaux, parce que ils vont perdre conscience très très vite. Donc ça sera plutôt humain. Ils font ce type d'expérience. Ils décapitent. Un comportement humain avec les animaux. Oui, humain au sens moral du terme. J'ai compris. Donc ils font ce type d'expérience. Et ils ont eu la lumineuse idée, si j'ose dire, d'enregistrer l'électroencéphalogramme. Bon, ça c'était prévu. Mais de continuer l'enregistrement pendant un certain temps. Et là, qu'est-ce qu'ils voient? Il voit que ce que nous on a vu aussi, ce que d'autres ont vu aussi, il voit que l'activité électrique du cerveau va disparaître une fois qu'on a privé le cerveau de cette oxygénation par arrêt de perfusion sanguine du cerveau. Donc l'électroencéphalogramme devient plat, ça reste plat, et tout à coup, paf, il voit une onde apparaître, une très grande onde qui apparaît sur le tracé. Et là, ils sont extrêmement surpris, et ils vont conclure un peu rapidement et à tort que cette onde, en fait, elle marque un phénomène physiologique dans les neurones, qui est un phénomène irréversible. C'est-à-dire que les neurones sont en train de basculer vers un état qui ne permettra plus jamais de fonctionner. C'est-à-dire qu'ils perdent leur énergie? Ils perdent leur énergie au sens électrochimique. C'est-à-dire, en fait, si on mesure la différence de tension électrique qui existe naturellement dans un neurone, c'est-à-dire si on compare la différence de tension électrique entre l'intérieur et l'extérieur, on va avoir une certaine valeur, qui est une valeur négative. Bon. Eh bien, quand le cerveau est privé d'oxygène, les systèmes qui permettent de maintenir ce gradient électrique de part et d'autre de la membrane des neurones, ces systèmes, en fait, ne peuvent plus fonctionner. Et à ce moment-là, la membrane des neurones laisse passer tous les courants. Tous les courants, on s'appelle des canaux ioniques qui sont dans la membrane des cellules, vont laisser passer le courant. Et en fait, les neurones vont se vider comme ça. Des courants vont circuler dans le milieu extracellulaire du cerveau, dans la matière cérébrale. Et vu que des courants circulent dans un milieu cérébral qui a une certaine résistivité électrique, j'espère que c'est pas trop compliqué ce que je raconte. Tout va bien. Eh bien, ça va créer une variation de potentiel électrique. Et ce qu'on enregistre en surface, en fait, quand on voit l'onde de la mort, c'est ça. En fait, ce qu'on enregistre, c'est ce courant mortifère qui traverse la membrane des neurones au moment où ces neurones ont subi ce qu'on appelle une anoxie trop prolongée. Et là, quand les collègues ont vu ça, enfin les collègues hollandais, ils ont appelé cette onde l'onde de la mort parce que pour eux, après une telle situation, il n'y avait pas possibilité de revenir en arrière. Nous, on a vu ça. Enfin, moi, j'avais vu ça dans le laboratoire. J'avais lu cet article-là pour éviter de m'embêter à un séminaire qui ne m'intéressait pas. Enfin, je ne sais pas si... Donc, j'avais pris cet article et je l'avais lu pour passer le temps. C'était plus intéressant que le conférencier. Et j'étais très intrigué par cette onde de la mort. Le nom, déjà, je trouvais ça bizarre. Donc, on a fait une sorte de réunion de crise dans le laboratoire. Et on s'est dit, on va savoir, un, ce que c'est que cette onde de la mort. Et deux, on va essayer de savoir si elle est vraiment irréversible. Alors, avec mes collègues, on a mis au point une nouvelle préparation qui n'est pas de décapite. Parce que si on décapite un rat, il n'y a pas de plan B. Ça, c'est clair qu'on ne va pas lui recoller la tête sur le corps. Alors, on a mis au point une nouvelle préparation durant laquelle on pouvait, en fait, de manière contrôlée, arrêter la perfusion du sang oxygéné et puis la remettre quand on voulait. Et en faisant ça, on a découvert, en fait, que l'onde de la mort n'était pas irréversible. C'est-à-dire, si on arrivait à faire cette sorte de réanimation, une réanimation, un peu comme le fait de faire un massage cardiaque. Si on fait cette réanimation à temps, et ben à ce moment-là, on peut, et pas toujours, Et c'est là où ça devient intéressant par rapport à la suite. On peut avoir apparaître une autre onde, et là, du coup, c'est nous qui l'avons découvert, qu'on a appelé l'onde de la réanimation, The Wave of Resuscitation, qui a créé aussi encore une autre confusion, un peu comme le titre de mon livre. Qui a créé une parce que vous avez traduit réanimation par résurrection. Oui, non, mais là, d'accord, sauf que là, le terme anglais de l'onde, c'était la Wave of Resuscitation. Mais resuscitation en anglais, ça ne veut pas dire résurrection, ça veut dire réanimation. Ah, c'est ça l'ambiguïté. L'ambiguïté vient de là pour ce qui est de cette onde. Mmh. Donc certains de voilà. Alors la mort, ça vient quand? Si l'onde de la mort n'est pas la signature de la mort, si après il y a une autre onde qui peut être émise, ça veut dire que la mort est constamment reculée finalement. La mort n'est pas constamment reculée. Par contre, nous, quand on regarde ce qui se passe, quand on regarde l'activité électrique du cerveau, quand on arrête de perfuser le cerveau avec du sang oxygéné. Et après qu'on le remet, il y a deux possibilités. Alors déjà, si on ne fait pas de réanimation, on va voir l'onde de la mort et on va voir le tracé de l'électroencéphalogramme va rester plat. Et à un moment donné, eh bien, on va pouvoir poser le diagnostic de mort. Mais ce diagnostic de mort, en fait, il est basé sur quoi? Il est basé dans notre cas, par exemple, parce qu'on voit ce tracé qui est plat. Et puis on voit que le cœur aussi, parce qu'on enregistre aussi l'activité électrique du cœur, on voit que le cœur s'est arrêté de battre. Donc on va arriver à une situation, au bout d'un certain moment, où le cœur et le cerveau ont arrêté de fonctionner, parce qu'on a perdu les signes électriques de leur fonctionnement, et on n'a pas fait quoi que ce soit pour pouvoir remettre le cœur et le cerveau en état de fonctionnement. Là, on va considérer qu'il est mort à cet instant-là. Mais si on fait la réanimation et que l'onde de la réanimation n'apparaît pas, là, on va attendre. En fait, on ne peut faire qu'attendre. Et là, la mort se présente comme un horizon. C'est-à-dire qu'on attend, c'est comme si on s'approche de l'horizon. En fait, on attend quelque chose qui va arriver, le bord de la Terre, si on se déplace comme ça, à l'horizon, et on ne voit rien. On ne voit rien de particulier qui indique positivement qu'on arrive dans un état irréversible. Tout ce que l'on fait, en fait, c'est d'attendre l'éventuelle arrivée de l'onde de la réanimation, qui, elle, nous dira « c'est bon, ça repart ». Et quand on voit l'onde de la réanimation, on est sûr, dans 100% des cas, ça c'est quelque chose qui est très très fort quand même, parce qu'on a un marqueur, qui, pour l'instant on a fait des centaines d'expériences et à chaque fois ça marche très très bien, cette onde de la réanimation nous dit, à chaque fois, le cerveau va récupérer son activité. Par contre, on ne voit rien qui nous dit « cette onde ne va pas arriver ». Donc on n'a pas de marqueur de la non-arrivée de l'onde de la réanimation. C'est plutôt un marqueur du retour de la vie possible qu'un marqueur de la mort. L'onde de la réanimation? Oui. L'onde de la réanimation n'est pas du tout un marqueur de la mort, c'est un marqueur... De la vie possible, que la vie peut revenir. Non, c'est un marqueur du fait que le cerveau va reprendre une activité. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément revenir dans un bon état, je dirais d'un point de vue physiologique, mais ça veut dire que le cerveau va récupérer une activité spontanée. Ça marche dans 100% des cas. Alors quel lien y a-t-il, Stéphane Charpie, entre vos travaux, vos découvertes, et puis cette anecdote qu'on raconte souvent, à savoir que Lavoisier, grand chimiste, avait demandé à un condamné à mort qui allait être guillotiné de bien vouloir lui lancer un clin d'œil après la décapitation, une fois qu'il pourrait le faire, on pourrait dire, à tête reposée. Et il l'a fait. Le condamné, il a cligné de l'œil. Comment est-ce qu'on interprète ce phénomène qui suppose que le condamné en question ait gardé une certaine mémoire, sauf si on met ça sur le compte d'un simple réflexe? Alors, ça n'est ni l'un ni l'autre. Ça n'est pas véritablement un réflexe. Le problème, c'est que quand le cerveau n'est plus perfusé par du sang oxygéné, alors que ce soit par un étranglement ou que ce soit par une décapitation, très vite on perd conscience. D'ailleurs, ceux qui ont découvert ça, ce sont des chercheurs américains pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui ont commis aussi des atrocités, il faut le savoir, et qui ont notamment tenté des expériences d'étranglement de patients schizophréniques ou de condamnés à mort aux États-Unis pour tester l'effet de coussin d'étranglement et pour déterminer l'instant précis à partir duquel la personne va perdre conscience. C'est assez atroce comme expérience. Et ces expériences montrent en fait que si on interrompt la circulation sanguine intracrânienne, au bout de quelques secondes, on n'est plus conscient. Dans le cas de la décapitation, dans le cas de Lavoisier, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu ni l'un ni l'autre, on a eu un mouvement erratique qui correspond au fait, ce qu'on disait tout à l'heure sur les nerfs et les muscles des grenouilles. Eh ben oui, les muscles de la face continuent à être excitables. Les nerfs crâniens qui se trouvent à l'intérieur du crâne et qui ont été partiellement conservés après la décapitation continuent à fonctionner. Et un nerf qui a été lésé, notamment après une décapitation, ben il n'est pas impossible qu'il déclenche ce qu'on appelle des potentiels d'action, des ondes électriques, et que la propagation de ces ondes électriques ait provoqué la contraction des muscles de la face et de faire ce clin d'œil, en fait, mais qui est aussi peut-être un clin d'œil à la vérité par rapport à l'origine de ce clin d'œil. J'ai une question qui intéresse, je pense, tout le monde, Stéphane Charpier. Est-ce qu'on peut mourir autrement qu'en étant inconscient? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut mourir en se disant, tiens, je suis en train de mourir? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut reconnaître la mort? C'est la dernière question. Déjà? Oui. Reconnaître la mort. La vivre en connaissance de cause. On ne peut pas connaître la mort en connaissance de cause parce qu'on n'a aucun moyen de savoir qu'elle est là. On peut par contre se sentir très mal. Des patients racontent des sentiments de mort imminente. Avoir le sentiment que l'on va bientôt mourir. Ça, c'est quelque chose qu'on peut sentir. Mais l'instant de la mort, on ne peut pas le détecter par l'expérience subjective. Je suis désolé Stéphane Charpier, ça sera le mot de la fin. Nous devons écouter les chroniques d'Alexandra Delbo qui s'appelle « Avec science ». Comment vieillissent nos organes? Vous avez, comme tout le monde, un âge chronologique. Il se compte à partir de votre date de naissance. Mais est-il le même que votre âge biologique? Comment l'organisme vieillit-il? Au niveau cellulaire, on sait que tout au long de la vie, nos cellules accumulent des mutations qui affectent leur capacité. Elles se renouvellent moins vite ou ne se renouvellent plus du tout. C'est la sénescence. L'exemple le plus prégnant est sûrement celui de la peau qui perd peu à peu son collagène et donc son élasticité. C'est ce qui provoque des rides. Mais ce vieillissement est-il uniforme, le même dans tout l'organisme? Ce qui a permis de faire un bond dans nos connaissances, ce sont les outils biomoléculaires pour scruter l'expression des gènes. Mirko Francesconi est chercheur INSERM au laboratoire de biologie et de modélisation de la cellule à l'ENS de Lyon. Aujourd'hui, on a des instruments pour analyser ce phénomène. Et surtout, on a la possibilité de donner à large échelle, comme par exemple l'expression de tous les gènes. On peut mesurer tout ça. Donc, on a vraiment maintenant la chance d'analyser cette process dans les détails. C'est pour ça qu'on a découvert chez les organismes modèles, tels que la souris, que, par exemple, si on mesure systématiquement les changements de la dynamique de l'activité des gènes, en fonction de l'âge, dans plusieurs tissus, on a vu qu'en effet, si on utilise telle mesure comme des horloges de vieillissement spécifiques au tissu, on a vu que les tissus, parfois, peuvent vieillir à des rythmes relativement différents d'un individu à l'autre. Et toujours dans ces modèles murins, il a déjà été démontré que tous les tissus, donc les organes, ne répondent pas de la même manière à des traitements qui ralentissent le vieillissement cellulaire. Mais qu'en est-il de nous humains? Est-ce que nos tissus, donc nos organes, peuvent vieillir différemment? Eh bien, jusqu'à présent, la principale limite à l'exploration de cette question était méthodologique. Toutes ces études menées chez les souris nécessitent de prendre des morceaux de tissu pour les analyser. Et faire une biopsie pour mesurer l'âge de chaque organe d'un individu humain serait bien trop invasif. Alors, dans cette étude, les scientifiques ont prélevé un simple échantillon de sang chez plus de 5000 volontaires. Les auteurs et autrices ont regardé la présence de milliers de protéines. En fonction de leur quantité, ils ont déduit l'activité de certains organes, foie, rein, poumon par exemple. Et avec un algorithme, ils ont prédit un âge physiologique, biologique, un âge des organes, et l'ont comparé avec l'âge chronologique pour voir s'il y avait toujours concordance. Résultat, le vieillissement n'est pas uniforme chez tout le monde. Un cinquième des participants vieillissent plus rapidement que leur âge chronologique dans un seul de leurs organes. Ils ont quantifié les vieillissements de manière indépendante dans 11 organes de chaque individu. Ils ont constaté que souvent, les individus étaient prédits comme vieillissant plus rapidement dans un seul organe. Et donc, ils ont confirmé cette observation qu'ils ont été faites chez les souris. Cette étude-là, c'est intéressant, surtout, il démontre que c'est possible d'avoir des mesures spécifiques des tissus ou des organes avec un simple prise de sang. Et donc, c'est une méthode peu invasive. Avec ça, on peut avoir une énorme quantité de données très informatif. Et bien sûr, il y a des limites. Cette étude-là, il n'établit pas si les changements observés dans le niveau des protéines sont une cause ou une simple conséquence du vieillissement. L'autre résultat de cette étude, c'est d'avoir mis en évidence que cet écart entre âge biologique et chronologique était associé à des pathologies. Et donc, en fonction de l'organe en question, on peut estimer le risque de développer une maladie. Reste à investiguer en profondeur chacun de ces biomarqueurs, mais c'est l'une des applications potentielles de cette découverte en médecine personnalisée. Pour l'instant, à très très long terme, utiliser des marqueurs protéiques pour déterminer l'âge de nos organes et diagnostiquer les pathologies avant même qu'elles ne se déclarent. Merci Alexandra Delbo et merci à vous Stéphane Charpier d'être venu nous parler des ondes du cerveau sur les ondes de France Culture qui ne sont pas celles de la mort. Merci Étienne Klein. Au contraire. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Jean-Guilain Meige et à la réalisation Luc Jean Reynaud.